Ça va? Ça va, Casimir? Mais là, lui, il fait la gueule. Non, il fait la gueule. Non, mais... Oh, non, mais il a qu'à aller voir son mais... bébé rose et pas nous faire chier. Non, mais il disait que ce soir, en plus, non, il voulait pas faire le débat. Parce qu'il... Eh ben, s'il veut pas faire le débat, il se casse. Voilà. Et puis c'est tout. Bon, en tout cas, d'après ce que m'a dit Manu, donc que Manu et Filda, enfin c'est Filda qui m'a dit ça, donc le premier débat, c'est sur la bande FM. Non. Non. Ah, bon, on a rappelé les gens pour la bande FM. Bah ouais, j'ai... Oh, mais merde, c'est moi qui commande le jeudi, ce soir, on commence par la chasse et on finit par la bande FM. Non, c'est Apolline qui a rappelé les gens pour la FM, elle a demandé, elle a dit, je pense que ça serait mieux pour elle, elle préférait la FM à Pau. Non, de toute manière, on en avait discuté, la semaine dernière. C'est mieux de commencer par la radio, je trouve, tu vois. Non, c'est à lui qui décide. Mais qu'est-ce que tu vas me prendre la tête avec la radio en premier? Les auditeurs, je pense que ça parce qu'on n'a rien à foutre. Non, mais on est dans une radio. Mais non, mais même, je m'en fous.